Et à ta femme, je lui donne rien, non. Oh non. Non, c'est bon, c'est bon. Non, elle m'a saoulé, lol.